La NFL avec notre ami Hugues Fouché du site internet lebitsnfl.com. Salut Hugues. Salut Danny, ça va bien? Hugues, je sais pas par où commencer. Il y a beaucoup d'actualités dans le monde des deux ligues. Oui. On va commencer comme on le fait avec comme on le fait avec la NCAA. Écoute, le diable est au vache dans le Big Ten. As-tu vu ça? Oui. Northwestern, le match est annulé. Northwestern contre Oui. Minnesota. Michigan. Jusqu'à maintenant, a mis une pause sur sa saison. Une belle façon pour eux autres de terminer l'année, hein, avec l'année de merde qu'ils ont Oui. eue. Et Oui. après Oui. ça, c'est quelle autre équipe aussi que j'ai vu? Ohio State, on ne sait pas ce qui va arriver. Ça va pas bien, Écoute, là. non, ça va pas bien. Puis honnêtement, Ohio State, moi, apparemment que le Big Ten s'attend à ce que les équipes finalistes aient joué au moins 6 matchs du Big Ten. Et puis Ohio State, à date, n'a pas ça. Ils ont joué 4 matchs. Donc, c'est le seul espoir pour les playoffs. C'est Ohio State. Donc, si Ohio State n'est pas capable d'atteindre le plateau de 6 matchs, ça veut dire qu'il n'y aura pas de représentant du Big Ten dans les playoffs, parce que là, Northwestern vient de sortir en perdant en fin de semaine. Alors, non, écoute, ça va pas bien. Le Big Ten, ça va pas bien. Est-ce qu'ils vont réussir à finir la saison? J'espère que oui. Ouais. Mais à moins que Ohio State soit capable de disputer 2 matchs supplémentaires, puis d'être la finale du Big Ten, à ce moment-là, il n'y aura même pas de représentant du Big Puis ça, Ten, là. C'est il dommage. va manquer de date aussi tantôt, là. Oui. Ah oui, non, il faut que il y a une limite, là, au niveau de Ah l'éligibilité ouais. pour les playoffs, parce que c'est fin décembre, alors il faut absolument que. Puis moi, je pense que Ohio State n'aura pas le temps, là. Donc, j'ai l'impression que ce stade-ci, là, je sais que j'ai lu un post de Wallet qui allait dans ce sens-là. J'ai un petit peu la même opinion que lui. Je pense qu'à ce stade-ci, il n'y aura pas de représentant du Big Ten dans les playoffs. Puis c'est dommage parce que avec le SEC, c'est la ligue la plus Ah forte. oui. Puis c'est fort, le Big Ten. C'est vraiment dommage là, de voir qu'ils n'auront pas de représentants pour des raisons qui se sont mal organisées finalement, là. Ben, c'est parce qu'ils ont commencé Donc, trop tard. C'est ça l'équivalent, là. comment? Exactement. Ils ont commencé trop tard. Et puis, contrairement au ACC puis au SEC, donc ils ont commencé trop tard, puis là, ils vont se retrouver à pénaliser leurs équipes à cause de ça, parce que Ohio State, on le sait, là, devrait être des playoffs. Ohio State, c'est une équipe qui est aussi forte que Clemson, Notre-Dame ou Alabama, Ouais. mais là, ils seront probablement pas en série, c'est que parce qu'ils n'ont pas joué le nombre de matchs nécessaires. Ouais, effectivement. On va suivre ça, mais c'est ce qui est en train d'arriver. Puis juste pour dire comme ça, Notre-Dame a remporté une grosse victoire contre North Carolina, qui s'est quand même bien battu pendant une bonne partie du match. Et Alabama, comme d'habitude, a marché. Et puis, je pense qu'Alabama, là, sont bien, bien en route, là, pour être pour terminer au moins la saison au premier rang. Je vois Ouais. pas, à moins d'en échapper une. Ils sont très forts, très bonne équipe. Et j'ai l'impression que à date, là, on peut commencer à dire qu'ils sont vraiment favoris pour le championnat national. OK. On va y aller maintenant avec les autres nouvelles. Écoute, Indiana qui ont perdu leur carrière blessés pour Oui. l'année. Indiana dans le match contre Maryland en fin de semaine. Ça, c'est une grosse perte. Michael Penix, qui s'appelle? Oui, en fait, c'est Phoenix, oui. Penix, oui, Michael Et Penix. Donc, oui. grosse, grosse perte pour Indiana. Jouait très bien, Ah bon, ben. honnêtement, là. Très bon quart arrière. Je ne sais pas ce que ça donnerait au prochain niveau, là, mais c'est pas ça la question. Mais pour la NCAA, là, vraiment, joue bien, très mobile, bon bras, etc. Bon leader, mais là, malheureusement, ils vont devoir se débrouiller sans lui. C'est quand même une saison, tu sais. Il y a quand même des belles histoires à travers tout ça, là. Ouais. Puis Indiana, on n'a jamais vu ça, jamais vu une aussi bonne équipe d'Indiana. C'est dommage que ça soit Ouais, devenu plus ça fait difficile. 20 ans que je suis la NCAA, puis j'ai jamais vu aussi loin que Ouais. ça. C'est pour ça que c'est vraiment Jamais. rafraîchissant. Hein? Oui. Ah oui. Puis on va quand même continuer à les suivre, mais honnêtement, Penix jouait tellement bien que ça me surprendrait que son remplaçant soit capable d'être aussi bon, là. Ouais, effectivement. Donc, on va suivre ça de très, très près. Oui. OK, Exact. maintenant, on va parler du côté des. Également des autres matchs. Ben, en fin de semaine, c'est un joueur de Buffalo qui a eu 8 touchés et Sarah Fowler également. Oui, Bon. effectivement, ça, j'ai moins suivi ça un Ouais. peu, mais Buffalo, je sais que Buffalo connaît une bonne saison dans le. Ça, c'est la division A le plus faible. Hein? Il y a comme deux divisions A, puis c'est la plus faible, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est dans le Group of Five. Buffalo joue dans la même division là, que Central Michigan, Ouais. Northern Illinois. Écoute, ils ont déjà eu des bonnes équipes. Faut se rappeler que c'est là que Khalil Mack a joué son football OK. collégial. Donc, c'est pas une mauvaise université. Ils ont souvent formé des bons joueurs, mais là, je sais qu'ils connaissent une excellente saison. Mais honnêtement, j'ai pas, Non, non, c'est j'ai juste pour moins souligner le 8 suivi. touchés. C'est sûr que Ben ça va oui. passer comme dans du bas, mais 8 touchés dans un match, je pense pas d'avoir vu ça également. On va y aller J'ai maintenant. Oui, honnêtement, j'avais vu ça. Oui. on va y aller avec les matchs de la semaine maintenant. Oui. Écoute, ce que j'ai regardé, moi, c'est. Bon, on s'est parlé vendredi. Ce que j'ai regardé, c'est Alabama qui a donné une volée à Auburn. Moi, je m'attendais à un meilleur match, une meilleure prestation d'Auburn. Donc, c'est. Oui. Donc, voilà. Écoute, j'ai regardé, je vais être bien franc, là, Danny. C'est, oui, effectivement, Auburn, qui avait quand même un classement 22e, là, ils vont probablement sortir ce soir, là. C'est ce soir qu'on va avoir le nouveau, probablement qu'ils vont sortir, mais je veux juste te dire que, encore une fois, c'est parce qu'Alabama est tellement fort que présentement, ils plantent tout le monde, puis je pense que c'est plus une question que, à moins d'être Ohio State ou Clemson, là, tu ne peux pas rivaliser contre Alabama. Mais je veux juste dire une chose. La façon que la fin de semaine s'est passée, là, si je regarde Florida, encore une fois, gagné facilement, mais si je regarde ce qui se passe avec Ohio State, si je regarde aussi Texas, A&M a quand même gagné, là, difficilement, mais on commence à avoir des conditions qui pourraient peut-être faire que Cincinnati a une chance. Parce que moi, c'est un peu l'histoire de l'année. J'aimerais tellement ça que Cincinnati se hisse là, dans les playoffs. Les chances sont minces, mais ils sont septième présentement, ce qui veut dire que le comité les a placés là pour leur donner une chance. Mais ça va leur prendre de l'aide. Il faut qu'une des quatre équipes qui sont actuellement en série se fassent sortir, que ce soit Ohio State parce qu'ils n'ont pas joué assez de matchs, ou que ce soit, par exemple, si Notre-Dame avait échappé de match contre North Carolina en fin de semaine, il aurait peut-être pu se faire sortir, tu sais, du portrait, mais ça va prendre quelque chose comme ça, ou que Clemson gagne pas la finale du ACC, mais tu sais, ça va leur prendre un peu d'aide. Il faut qu'une de ces équipes-là trébuche, puis d'après moi, ça sera pas Alabama. Puis deuxièmement, il faudrait que Texas A&M puis Floride échappent un match eux autres aussi. Et ça risque d'arriver parce que je pense pas. Moi, je pense qu'Alabama va gagner le championnat de la conférence, qui va probablement sortir Floride et Floride subirait une deuxième défaite s'ils perdent contre Alabama. Puis Texas A&M, je pense qu'ils affrontent Alabama plus tard, ils seront pas de taille d'après moi. C'est que peut-être que Cincinnati, puis là, Northwestern était juste derrière, puis ils viennent de sortir, eux autres aussi, avec une défaite. Fait que si Cincinnati gagne le championnat de sa conférence, puis est capable d'organiser un match supplémentaire, par exemple, contre BYU, ça, j'adorerais ça. Peut-être qu'ils ont une chance de se retrouver. La chance est mince, mais moi, je les exclus pas à ce stade-ci. Donc, je vais juste te dire ça, parce que peut-être que les choses sont en train de se placer pour donner une chance à Cincinnati aussi, là. Non, effectivement. NFL, qu'est-ce que tu retiens de la fin de semaine? Écoute, moi, ce que je retiens, c'est Bien, ce que je retiens, Danny, c'est bien simple. ouais. Bill Belichick dit toujours, Hey, c'est ça que je voulais. l'action de grâce américaine, c'est le début de la vraie saison. C'est là que ça commence. Puis, si tu me permets, je vais juste faire un petit... Belichick joue souvent une vidéo à ses joueurs, je ne sais pas s'il le fait encore, mais il le faisait au début des années 2000, là, sur un derby du Kentucky avec Secretariat à l'époque. Puis il montre à ses joueurs qui connaissent pas plus les courses de chevaux que moi, là, le début de la course, puis il arrête le film aux trois quarts de la course. Et là, à ce moment-là, tu as tout un troupeau un groupe de chevaux. Puis dans ce groupe-là, tu as Secretariat. Les joueurs ne savent pas c'est lequel. Alors, puis ils demandent aux joueurs, pointez-moi qui va gagner. Alors là, beaucoup pointent celui qui est en tête à ce moment-là, qui n'est pas Secretariat, beaucoup en pointent d'autres. Et par la suite, ils laissent le film continuer. Puis ça, le Derby du Kentucky, là, c'est une course légendaire où Secretariat, à un moment donné, met les gaz, puis c'est les autres ont presque l'air de faire du surplace tellement que Secretariat, qui est le plus grand cheval de l'histoire, gagne la course facilement. Et la leçon que Belichick dit, c'est que c'est aux trois quarts, donc l'équivalent de la Thanksgiving américaine, que la course commence vraiment. Tout ce qui s'est fait avant, ouais, ça n'a pas d'importance. Que tu étais premier, ça compte pas. Les 10 victoires des Steelers, ça ne veut plus rien dire. La défensive des Seahawks qui en a arraché en début de saison, ça ne veut plus rien dire. Tu sais, c'est aujourd'hui que ça commence. Puis, honnêtement, tu as certaines équipes qui commencent à avoir de l'air, comme par exemple les Chiefs en fin de semaine, là, on pourra en reparler, mais eux autres, ils commencent à jouer pour vrai. Commencent à s'effoirer. Oui, absolument, aussi, parce que c'était pas des si bonnes équipes que ça. Non. Ils commencent à s'écraser. Ouais. Exact. Mais les vraies bonnes équipes, là, c'est maintenant qu'on va vraiment les voir. Donc, je vais dire aux gens, là, c'est surveiller à partir de maintenant, puis oublier un peu. L'important, c'était d'être dans la course à ce stade-ci. Certaines équipes se sont sorties de la course, mais celles qui sont dans la course, c'est elles. C'est là qu'on va voir. Puis tu as raison, les Raiders et les Cards, très bon point. Ils ont très mal paru en fin de semaine, tous les deux. OK, OK. Donc, on va regarder ça en fin de semaine. Aussi, les Pats. Hey, les Pats, j'ai regardé quelqu'un. Oui. On est un partisan des Pats. J'ai vu un post en fin de semaine, puis il disait l'équipe, c'est meilleure sans Cam Newton. Je ne suis pas prêt à dire ça, moi. T'es un petit mieux Cam Newton ou Brian Hoyer? Non, ça c'est sûr. Ouais. Moi, je pense que le quarterback room en général est une erreur cette année, là. Mais j'ai pas aimé, honnêtement, le match de Cam Newton en fin de semaine. J'ai trouvé qu'il avait été extrêmement mauvais. Mais l'équipe a gagné quand même, tu sais. Mais je suis pas, écoute. Je suis pas un fan de ce que fait Newton à date cette année. J'aime pas son attitude. Je trouve que il rit à gorge déployée quand l'équipe perd. C'est pas d'hier, ça qui fait ça. Là. Non, il a toujours été comme ça. C'est pour ça que moi je le voulais pas, mais il a quand même connu certains bons matchs. Et puis je pense qu'actuellement, là, ça semble être la meilleure option. Puis comme tu dis, je suis d'accord avec toi, par exemple, là, c'est. Je pense pas que l'équipe serait meilleure avec Brian Hoyer ou Jared Stidham à ce stade-ci. Donc, t'as pas le choix, mais et puis honnêtement, il a quand même connu quelques matchs où il a bien joué. En fin de semaine, là, il a lancé 2 interceptions. Il y en a une qui a bien failli coûter le match, mais il a quand même été capable de sortir le gros jeu quand c'était le temps. Il a fait une course là, vers la fin, puis il a fait prendre une punition au Cards, et puis ça a placé les Patriots. Il a quand même gagné le match, tu sais, à la fin, quand c'était nécessaire. Il a lancé, je pense, pour 75 verges. Par contre, là, ça a été un de ses pires matchs en fin de semaine. Mais il a aussi connu de bons matchs, là. C'est pas la semaine passée, même si l'équipe avait perdu contre Houston, il avait quand même pas été mauvais, effectué. Et comme tu le dis, c'est parce que de toute façon, ça donne rien d'en parler. Il n'y a pas d'autre option présentement, là. Donc, t'as pas vraiment le choix d'y aller avec lui. Moi, j'aimerais voir peut-être Stidham à un moment donné, mais. Oui, pour voir ce qu'il y a dedans. Sauf quelque chose, il n'a pas de l'air avoir une grosse confiance. Non, écoute, s'ils ne l'ont pas fait jouer jusqu'à date avec les performances de Newton, c'est parce que moi, je fais confiance à Belichick et à McDaniel. C'est parce qu'ils sont convaincus que Newton leur donne une meilleure chance de gagner. Donc, même avec un livre de jeu très réduit, là, dans le cas de Cam Newton, on voit presque toujours les mêmes jeux à chaque semaine, là. Mais ils sont persuadés. Alors, mais je vais te dire une chose, par exemple, en fin de semaine, la défensive, est-ce qu'elle a joué un gros match? Ouais. Certainement. Et juste comme ça, les Patriots sont à 5-6. Ah, écoute, ça. Et c'est pas devant eux, les Raiders sont à 6-5. Ouais. Les Ravens sont à 6-4, mais ils pourraient tomber à 6-5 s'ils perdent demain contre les Steelers, à supposer que le match a lieu. Là. Et juste pour te rappeler que les Patriots ont le tie-break contre ces deux équipes-là parce qu'ils les ont battus plus tôt cette saison. Alors, ils sont un match derrière avec le tie-breaker. Alors, tu sais, finalement... Par contre, je regarde le calendrier, ce ne sera pas facile. Là. Je regarde le calendrier. Écoute, les 3 prochains matchs sont difficiles. À part contre les Chargers, là. Par la suite, les Dolphins, c'est pas facile. Par contre, le match est à Foxborough, mais ça ne veut rien dire cette année avec les foules. Non. Les Jets, victoire. Après ça, les Rams, je pense qu'ils vont l'emporter. C'est à Los Angeles. Ouais. Les Rams vont l'emporter. Et ils vont terminer après ça contre les Bills. Pas le calendrier facile nécessairement. Ça va être. Normalement, terminer avec 7 victoires. Ben oui, ça devrait être ça. Et s'ils veulent avoir le moindrement une petite chance, il faudrait qu'ils gagnent trois des quatre derniers matchs, là. Ils peuvent se permettre, c'est-à-dire quatre des cinq derniers, ils peuvent se permettre une seule défaite d'ici la fin de l'année. Donc, c'est presque impossible parce que ça les amènerait à 9-7, puis même à ça risque de pas être suffisant. Fait que je serais bien, bien surpris c'est presque. Il fallait absolument gagner le match la semaine passée contre les Texans pour garder une possibilité ouverte, là, mais on ne sait jamais. Des fois, certaines équipes peuvent s'écrouler. Mais ça serait surprenant. T'sais, admettons que les chances sont pas très fortes. Les Broncos, est-ce qu'on aurait dû remettre le match? Oui. Oui, hein? Écoute, s'il y a des joueurs, tu sais que compte tenu de la situation, écoute, il y a des joueurs là. T'es vraiment mal pris, puis c'est en dernière minute, là. T'as pas le temps de t'en virer de bord. Non, moi je te dirais, oui, ok, je suis d'accord que les Broncos ont peut-être mal géré, là, puis on a voulu les faire payer, sauf que c'est les fans qui ont fait payer à travers ça, parce que c'est un match qui avait pas de bon sens, tu sais, c'est Non, avec un c'est corps arrière ridicule. que jamais, écoute, qui a jamais, jamais joué à aucune position dans la Non. NFL. Non, ça n'avait pas de bon sens. Moi, je pense qu'on aurait dû effectivement remettre ce match-là. Mais la NFL a été ambitieuse. Ils ont pensé pouvoir faire la saison dans le même délai sans mettre de semaine de relâche. Puis moi, je pense que c'est une erreur qu'ils ont faite depuis le début. Ils auraient dû prévoir peut-être une semaine supplémentaire, plus une semaine avant les séries. Puis un moyen qu'ils auraient pu prendre facile, Danny, ça aurait été de mettre la fameuse semaine de congé, là, le bye week, la mettre à la même date pour tout le monde. Alors, si tu as un match à reprendre, tu la reprends cette semaine-là. Tu aurais même pu mettre deux bye week, dans le fond, un complètement à la fin de l'année, puis l'autre un petit peu avant. Puis ça t'aurait permis de reprendre des matchs que tu n'as pas pu faire sans avoir à jouer avec toute la logistique. Mais ils n'ont pas voulu faire ça, donc ils se retrouvent à être pris. Mais je pense que c'est une erreur de leur part. Et moi, je trouve ça un manque de respect pour les fans. Hugues, un gros merci. On se reparle vendredi pour la chronique de la NCAA. Notre ami Hugues Fouché.